L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les galaxies semblent expulser de grandes quantités d'éléments lourds vers les confins de leur halo, jusqu'à 1 million d'années-lumière de leur centre. Alors que l'on pensait jusque-là qu'elles conservaient efficacement ces atomes pour former de nouvelles générations d'étoiles et les planètes qui vont avec. L'équipe dirigée par Benjamin Oppenheimer de l'Université du Colorado a réussi à montrer qu'il y a plus d'atomes d'oxygène, de carbone et de fer dans les halos des galaxies, ce qu'on appelle le milieu circongalactique, le CGM, que dans les galaxies elles-mêmes. Les galaxies recyclent en fait très mal leurs déchets. Ce milieu circongalactique, qui est un très vaste réservoir de gaz entourant les galaxies, doit jouer un rôle important dans le cycle des éléments chimiques, mais ces mécanismes sont aujourd'hui encore assez mal connus. Pour se faire une idée, on peut rappeler que la dimension typique d'une galaxie est d'environ 30 000 à 100 000 années-lumière, tandis que le CGM s'étend 10 fois plus loin. L'équipe américaine a exploité un instrument monté sur le télescope spatial Hubble qui s'appelle le Cosmic Origin Spectrograph, le COS, dédié principalement à l'étude de l'évolution de l'univers par des mesures de spectroscopie UV. Les chercheurs ont observé plusieurs types de galaxies, des galaxies spirales et des galaxies elliptiques. Le constat est le même pour les deux types de galaxies. Plus de la moitié des éléments lourds qu'elles ont créés dans leurs étoiles se retrouvent propulsés dans leur milieu circongalactique. Les astronomes ont reproduit les phénomènes par des simulations numériques et obtiennent des résultats très proches entre les galaxies numériques et les galaxies réelles. Et ces simulations permettent en outre d'expliquer des observations de Hubble qui avaient intrigué les chercheurs. L'abondance moins forte en oxygène autour des galaxies elliptiques qu'autour des galaxies spirales. Il se trouve que le CGM des galaxies elliptiques est plus chaud. Sa température vaut environ 1 million de degrés, ce qui induit une réduction de la fraction de l'oxygène 5 fois ionisé, qui est l'ion d'oxygène, qui est mesuré par Hubble, par ses raies d'émission. Le CGM des galaxies spirales n'est, lui, qu'à 300 000 degrés. Plus précisément, les galaxies spirales montrent en moyenne environ 100 millions de masses solaires d'oxygène dans leur milieu interne, contre 150 millions dans leur CGM, dont 2 millions de masses solaires d'oxygène 5 fois ionisé. Et les galaxies elliptiques, plus massives, ont 500 millions de masses solaires d'oxygène dans leur structure interne, contre autant dans leur CGM, mais par contre avec 0,2 millions de masses solaires d'oxygène 5. L'enrichissement du milieu circongalactique est un long processus qui prend plusieurs milliards d'années. Il est provoqué par les explosions successives de supernovas et par les trous noirs supermassifs qui induisent de puissants vents de matière. Ces observations, validées par de nouvelles simulations, ou l'inverse, permettent de mieux comprendre l'évolution des galaxies et leur, finalement, très faible efficacité de recyclage de cette matière si précieuse dont nos planètes et nous-mêmes sommes faits. L'article de Benjamin Oppenheimer et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 5 mai 2016. Il s'intitule « Bimodality of Low Redshift Circumgalactic O6 in Non-Equilibrium Eagle Zoom Simulations ». Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers des galaxies se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast comme tous les jours, oui, même toutes les heures, même toutes les secondes, sur podcloud.fr et sur iTunes. N'hésitez pas à vous y abonner, hein ? C'est le meilleur moyen pour rester informé seconde par seconde, n'est-ce pas ? Allez, à très bientôt, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut, bon ciel !